Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le mandrill. Sa gueule frappe d'emblée par son extravagance. Un museau allongé parcouru par de larges sillons d'un bleu soutenu, entourant des narines rouges, l'ensemble de la face étant agrémenté d'une collerette de poils blancs. Des couleurs et ornementations uniques chez les primates, encore plus chez les mammifères, qui pourtant ne lui ont pas valu que des compliments. Buffon trouvait ce cousin du babouin d'une laideur désagréable et dégoûtante. Pourtant, la couleur est chez le mandrill synonyme de beauté, voire même un puissant attractif sexuel. Les femelles ne s'y trompent pas, elles qui choisiront comme reproducteur le mâle le plus flamboyant. Car plus les couleurs sont vives, plus le mâle est dominant, en grande forme et en excellente santé. Seuls 1 à 3 mâles dominants assureront la descendance d'un groupe complet de mandrills. Car chez les mandrills, l'organisation sociale se fait autour des femelles, un système matrilinéaire composé de différents lignages de femelles, grand-mère, mère, fille, petite-fille, très soudées, qui s'allient et se soutiennent. Les mâles qui naissent quitteront la troupe une fois adolescents et chercheront à en rejoindre une autre. Ainsi, les quelques mâles dominants présents dans le groupe sont ceux qui ont réussi à s'imposer et se faire accepter pour la reproduction. Une période de reproduction propice aux affrontements entre mâles. Pendant la petite saison sèche, de juin à août, les mâles font des démonstrations de force, aussi bien physiques que sonores, afin d'établir leur rang de dominance. Ils peuvent se mettre l'un en face de l'autre, se provoquer, faire des simulacres d'attaque. La tension va monter crescendo si aucun ne bat en retraite, allant jusqu'aux coups de patte aux ongles tranchants et coups de canine que les mandrills ont effilés comme des lames de rasoir. Ceci étant dit, le mandrill en temps normal est un animal calme et peu agressif, mais pendant la saison des amours, les places de dominance sont chères, avouez que l'enjeu est de taille. Le répertoire vocal du mandrill est étudié depuis peu. On lui connaît pour le moment une dizaine de cris émis dans des contextes différents. Il y a le cri de contact, cacacac, au moment de fourrager, un cri de mise en marche, quand le groupe se met en mouvement, et puis bien sûr, on trouvera chez eux des cris d'alarme, de peur, de menace, des grognements. On a découvert plus récemment que chaque individu a une signature génétique décelable dans la voix. Un mandrill, même s'il ne voit pas un autre individu, saura au son s'il appartient à la même famille que lui, même s'il ne l'a jamais rencontré. Il lui apportera alors plus facilement son soutien, tout comme il évitera de se reproduire avec lui. À cette signature génétique, on peut ajouter une tendance à sonner pareil quand on vit dans le même groupe. Un même groupe va développer une même façon de s'exprimer, une sorte de mimétisme vocal qui montre à quel point les choses ne sont pas figées chez les mandrills. En fonction des individus avec qui ils vivent, des rencontres faites et des affinités créées, les mandrills vont évoluer différemment, leur manière de communiquer en étant une des preuves. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay, avec la complicité de Florence Levrero de l'Université Lyon-Saint-Étienne et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.